Le Comité national d'études du kimilsonisme-kimjonglisme du Nigérian a fait paraître sur le site internet le numéro titré « Soulever même la terre avec la confiance du parti ». Il y indique que ce slogan coréen montre la foi et le sang-froid des jeunes coréens formés en maîtres de la cause révolutionnaire Juche et auteurs des mythes héroïques grâce au grand homme Paektosan.